الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فمن فضل الله سبحانه وتعالى أن أجلسنا في هذا البيت من بيوت الله لنتفقه في أعظم المعلوم وفي أشرفها، في هذا الفقه الأكبر وفي أحب شيء إلى الله سبحانه وتعالى، ألا وهو أسماؤه الحسنى وصفاته العلى، ومن حبب إليه هذا العلم دل ذلك على محبة الله سبحانه وتعالى لهذا العبد، ودل ذلك على أن الله سبحانه وتعالى أراد له الخير، فمن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وأعظم العلوم معرفة الله سبحانه وتعالى. Parmi les grands bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous, le fait qu'il nous permette de nous asseoir et de nous rassembler dans une des demeures d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette mosquée. Et cela afin d'étudier la science la plus noble et la plus méritoire. La science la plus aimée chez Allah subhanahu wa ta'ala, celle qui a été de très nombreuses fois mentionnée dans le Coran et la Sunna, à savoir l'étude de la connaissance d'Allah à travers ses noms et ses attributs. À travers ses noms et ses attributs. Le serviteur ne pourra adorer son Seigneur comme il se doit si ce n'est en le connaissant. Et plus il connaîtra Allah tabaraka wa ta'ala, plus il l'aimera, plus il mettra en pratique ses ordres, plus il s'éloignera des causes de sa punition et de son châtiment. فَنَسْأَلُ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ أَنْ يُرْزُقَنَا أَجْمَعِينَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا. Demandons donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder une science utile et bénéfique, des actions profitables et pieuses, et une subsistance bonne. واللَّيْلَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ نَتَدَارَسْ إِسْمَ اللَّهِ أَوْ إِسْمَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْلَطِيفُ وَالْخَبِيرُ. من أسماء الله سبحانه وتعالى اللطيف والخبير. قال الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله تعالى: وهما اسمان تكرر ورودهما مجتمعين في عدة آيات من القرآن الكريم. Donc nous allons étudier inshallah ta'ala, pour commencer, ces deux noms parmi les nobles noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Latif et Al-Khabir. Al-Latif, ils l'ont traduit par celui qui est doux. Al-Khabir, ils l'ont traduit par celui qui est parfaitement informé. Ce sont deux noms qui, dans plusieurs endroits du Coran, sont venus ensemble. C'est-à-dire l'un à côté de l'autre. قال الله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وقال تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. وقال تعالى في ذكر وصية لقمان الحكيم لابنه: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. وقال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. لوتر رحمه حفظه الله تعالى mentionné plusieurs versets du Coran dans lesquels ces deux noms d'Allah subhanahu wa ta'ala sont mentionnés ensemble, à savoir Al-Latif et Al-Khabir. Dans Sourate Al-An'am, je vais lire la traduction des sens approximatifs de ces versets. Dans Sourate Al-An'am, les regards ne peuvent l'atteindre, cependant qu'il saisit tous les regards. Et il est le doux, le parfaitement connaisseur. Dans Sourate Al-Hajj, n'as-tu pas vu qu'Allah fait descendre l'eau du ciel et la terre devient alors verte? Allah est plein de bonté et parfaitement connaisseur. Dans Sourate Luqman, ô mon enfant, fût-ce le poids d'un grain de moutarde au fond d'un rocher, ou dans les cieux, ou dans la terre, Allah le fera venir. Allah est infiniment doux et parfaitement connaisseur. Dans Sourate Al-Mulk, ne connaît-il pas ce qu'il a créé alors que c'est lui le compatissant, le parfaitement connaisseur? Dans Sourate Al-Ahzab, et gardez dans vos mémoires ce qui, dans vos foyers, est récité des versets d'Allah et de la sagesse. Allah est doux et parfaitement connaisseur. Donc on voit dans ces versets la mention de ces deux noms d'Allah, Al-Latif et Al-Khabir. Puis l'auteur nous mentionne l'explication de ces noms et entre dans les sens. Amma al-Khabir, fama'anahu alladhi adraka ilmuhu sara'ir, wa attala' ala maknouni d-dama'ir, wa alima khafayati al-buzur, wa lata'if al-umur, wa daqa'iq al-dharrat, fahuwa ismun yarji'u في مدلوله إلى العلم بالأمور الخفية التي هي في غاية اللطف والصغر وفي غاية الخفاء فمن باب أولى وأحرى علمه بالظواهر والجليات. Il nous dit, حفظه الله تعالى, quant au sens du nom d'Allah سبحانه وتعالى الخبير, il signifie celui qui a atteint de par sa science les choses cachées. Et ces choses-là en profondeur, de manière interne et intérieure. Les choses les plus cachées et les plus subtiles, que ce soit les graines ou autres, la science d'Allah subhanahu wa ta'ala y est rattachée parce que c'est le Khabir, celui qui est parfaitement informé, celui qui connaît toutes choses, même les plus subtiles et les plus minimes, les choses cachées comme les choses apparentes. Donc dans son sens, le nom d'Allah, El Khabir, revient à la science, mais c'est une science particulière. C'est la science d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa connaissance des choses cachées, celles qui sont au summum de la subtilité, celles qui sont les plus minimes, les plus petites, Allah subhanahu wa ta'ala, sa connaissance y est rattachée, parce que c'est le Khabir. À plus forte raison, il connaît les choses apparentes et grandes. وَقَدْ مَضَى الْكَلَامُ عن صفة العلم وإحاطة علمه سبحانه بكل شيء وأنه عز وجل أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. Il nous dit, حفظه الله تعالى, que l'explication de l'attribut d'Allah عز وجل de la science est passée, et nous avons expliqué qu'il embrasse, que sa science, ou bien qu'il embrasse de sa science toute chose. Et il dénombre toutes choses. Quant au nom d'Allah, Al-Latif, il a deux sens. Donc Al-Khabir revient à la connaissance d'Allah Azza wa Jal des choses les plus subtiles et les plus cachées. Quant au nom d'Allah, Al-Latif, il a deux sens. Amma Al-Latif ou falahuma anayan. Ahaduhuma bima'an al-khabir. Le premier sens rejoint le sens de Al-Khabir. C'est celui qui a une connaissance subtile des choses et qui connaît toutes choses, même les plus cachées. Donc Al-Latif, le premier sens, c'est celui qui a la science des choses les plus subtiles. Celui qui a la science et la connaissance des choses les plus minutieuses et les plus subtiles. Ahaduhuma bima'an al-khabir. وهو أن علمه دق ولطف حتى أدرك السرائر والضمائر والخفايات. La science d'Allah Azza wa Jal, qui est détaillée et prise de ce nom Al-Latif, est une science de toute chose minime, spécifique, particulière, cachée. Les choses les plus subtiles et les plus minimes et les plus cachées, la science d'Allah y est rattachée. Parce que c'est Al-Latif. Donc il connaît les choses les plus subtiles. Pour Al-Khabir, on dira celui qui connaît les choses les plus cachées. Pour Al-Latif, celui qui connaît les choses les plus spécifiques et les plus subtiles. Le deuxième sens du nom d'Allah, Al-Latif, Alladhi yursilu ila ibadihi wa awliyaihi masalihahum bi lutfihi wa ihsanihi min turuqin la yash'uruna biha. Ce sens-là est plus spécifique et requiert de notre part une attention particulière. Le deuxième sens du nom d'Allah Al-Latif, c'est celui qui fait parvenir à ses serviteurs, à ses bien-aimés, parmi eux, ceux qui leur est profitable de manière subtile. Allah subhanahu wa ta'ala donne à ses bien-aimés et à ses serviteurs ce qui est bon pour eux et les causes qui vont permettre à ces choses profitables de leur parvenir, elles sont subtiles. Elles sont subtiles. Allah subhanahu wa ta'ala fait parvenir à ses bien-aimés, à ses serviteurs pieux, ce qui leur est profitable, utile et bénéfique de manière subtile. Il les touche de sa bienfaisance et ses bienfaits leur parviennent de chemins multiples desquels ils n'ont même pas connaissance ou sans, plus précisément, sans qu'ils ne s'en aperçoivent. Sans qu'ils ne s'en aperçoivent. Il t'arrive des choses dans ta vie, Allah subhanahu wa ta'ala t'éduque et te fait parvenir du bien, alors que sur le coup, tu ne vois pas toi le bien dedans. Mais plus tard, tu t'aperçois qu'Allah azza wa jalla a décrété sur ton chemin ses causes, en réalité pour te toucher d'un bien au final. Pour te toucher d'un bien au final. Ça, c'est le nom d'Allah, Al-Latif, et c'est son deuxième sens. Alladhi yursilu ila ibadi wa awliyahi masalihahum bilutf. C'est celui qui fait parvenir à ses serviteurs bien-aimés ce qui leur est profitable d'une manière subtile, de par sa bienfaisance, de chemins dont ils ne s'aperçoivent pas. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته. Ibn al-Qayyim rahimahullah, dans son poème Nuniya, a mentionné ces deux sens. Wa huwa al-latif bi 'abdihi wa li 'abdihi wa al-lutfu fi awsafihi naw'an idraku asrari al-umuri bi khibratin wal-lutfu 'inda mawaqi' al-ihsan fayurika 'izzatahu wa yubdi lutfahu wal-'abdu fil ghafalat 'an dhashan. Donc c'est Al-Latif envers son serviteur et pour lui. Al-Latif, cet l'attribut qui est dans le nom d'Allah, Al-Latif, est de deux sortes. Puis il nous cite celui qui a atteint les choses cachées et spécifiques Et celui qui fait parvenir sa douceur de par sa bienfaisance. Ou bien un autre type, ou une autre sorte pour al-latif, al-lutf, cet attribut, c'est ce qu'on voit dans les moments de bienfaisance. Il te montre sa puissance et t'apparaît au final sa douceur. Et le serviteur en est parfaitement distrait. Il a expliqué les deux sens. فَلُطْفُ اللَّهِ بِعَبْدِهِ هُوَ مِنْ رَحْمَةِ وَمِنَ الرَّحْمَةِ بَلْ هُوَ رَحْمَةٌ خَاصَّةِ فَالرَّحْمَةُ الَّتِي تُوصِلُ أَوْ تَصِلُ إِلَى الْعَبْدِ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُ بِهَا أَوْ لَا يَشْعُرُ بِأَسْبَابِهَا هِيَ اللُّطْفُ. La douceur d'Allah subhanahu wa ta'ala envers son serviteur fait partie de sa miséricorde, de sa pitié. Plus encore, c'est une pitié et une miséricorde toute particulière, la plus spécifique. La pitié d'Allah, sa miséricorde avec laquelle il touche son serviteur, ou il fait miséricorde à son serviteur, d'où il ne s'en rend même pas compte, ou pendant ce temps-là, il est distrait des causes qui l'emmèneront à être touché par ces bienfaits, cette générosité, cette douceur. Ça, c'est al-lutf. Ça, c'est al-lutf. On te touche d'un bien sans que tu t'en rendes compte. Ou bien sans que tu te rendes compte des causes qui t'y mèneront. Yuqal latafa Allahu bi'abdi wa latafa lah. Ay tawallahu wilayatan khassa biha tasluhu ahwalahu dhahirata wal batina. Wa biha tandafi'u anhu jami'a al-makruhat. المكروهات من الأمور الداخلية والأمور الخارجية فالأمور الداخلة لطف بالعبد الداخلية لطف بالعبد والأمور الخارجية الخارجية لطف للعبد فإذا يسر الله أمور عبده وسهل له طرق الخير وعانه عليها فقد لطف به وإذا قيض له أسبابا خارجية غير داخلة تحت قدرة العبد فيها صلاحه فقد لطف له ولهذا في قصة يوسف عليه السلام حيث قدر الله أمورا كثيرة خارجية عادت عاقبة الحميدة إلى يوسف وأبيه وكان في مبادئها مكروهة النفوس ولكن صارت عواقبها أحمد العواقب وفوائدها أجل الفوائد ولذا قال عليه السلام إن ربي لطيف لما يشاء أي إن هذه الأشياء التي حصلت لطف لطفه الله له فاعترف بهذه النعمة. On dit Lataf Allahu bi abdi, Allah était doux envers son serviteur, wa lataf lah, c'est-à-dire qu'il l'a pris en bien-aimé, il l'a rapproché de lui et il lui a accordé la walaya khassa, spécifique, celle par laquelle toutes les affaires et les situations du serviteur seront réformées de manière apparente et de manière cachée. Celle par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala repousse tout ce qui est détestable parmi les choses intérieures et parmi les choses extérieures. Quand il s'agit des choses intérieures, on dit lutfun bil abd, une douceur envers le serviteur. Et quand il s'agit des choses extérieures, on dit lutfun lil abd, pour le serviteur. فَإِذَا يَسَرَ اللَّهُ مُرَ عَبْدِ, lorsqu'Allah facilite les affaires de son serviteur et lui aplanit les chemins qui mènent vers le bien et l'aide sur cela, à ce moment-là, il a été doux envers lui. Et lorsqu'il lui facilite et met devant lui des causes extérieures, il assujettit cela à la capacité du serviteur afin qu'il en profite, alors on dit qu'il a été doux pour lui. Dans l'histoire de Youssouf alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala a décrété des choses et des événements qui sortent de l'ordinaire, des causes extérieures et qui sortent de l'ordinaire. Par exemple, la jalousie des frères de Youssouf alayhi salam envers lui. Par exemple, ils l'ont agressé, ils l'ont pris, ils l'ont jeté dans le puits. Quoi de plus gravissime et de plus détestable que cela? Qu'un enfant se retrouve éloigné de ses parents, battu par ses propres frères et jeté dans un puits. Jeté dans un puits. C'est une mort certaine si Allah Azza wa Jalla ne décrète pas autrement. On lui a décrété le fait d'être pris et asservi et emmené dans un autre pays, puis d'être servant d'Al-Aziz, puis de par cette grande beauté, l'épouse d'Al-Aziz penche vers lui et tente de le contraindre de commettre l'acte gravissime avec elle. Puis, parmi ces causes encore, on ajoute Sijnou, il a été emprisonné. Puis ses frères ont menti sur lui. Et ainsi de suite, jusqu'à la fin de l'histoire de Youssouf. Que des preuves. Jusqu'à ce que son père, et jusqu'à ce que son autre frère soit pris. Jusqu'à ce que son père perde la vue, alayhi salam. Et au final, quelle fut, et l'aqibatul hamida, qu'Allah Azza wa Jalla a accordé, quelle fut la bonne fin, la fin, Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir raconter cette histoire, nous dit Inna Allaha la inna Rabbi latifun lima yasha. Inna Rabbi latifun lima yasha. Donc, Allah Azza wa Jalla a décrété toutes ces causes, mais en réalité, c'est pour éduquer Youssouf et l'amener à une excellente fin, l'amener à un très haut niveau, l'élever. Alayhi salam. Inna Rabbi latifun lima yasha. Et ça, c'est à la fin de l'histoire. Lorsque ses parents sont venus avec la famille, qu'ils l'ont vu, il a assis ses parents sur le trône et ils sont tombés prosternés devant lui. Et il dit à son père, Ya bati hada ta'wil ru'yay. Oh mon père, voici l'interprétation de mon rêve. Jadis, Allah l'a bel et bien réalisé. Et il m'a certainement fait du bien quand il m'a fait sortir de prison et qu'il vous avait fait venir de la campagne ou bien du désert, après que le diable ait suscité la discorde entre moi et mes frères. Et il finit en disant, mon Seigneur est plein de douceur pour ce qu'il veut. Allah subhanahu wa ta'ala a mis des causes qu'en étudiant, qu'en voyant, tu ne te rends pas compte au début, il y a de la belle finalité qu'Allah azza wa jalla prépare par ces causes qui en apparence, à notre faible niveau de serviteur, on ne voit pas dedans qu'il est en train d'éduquer son serviteur et l'élever au plus haut degré. Mon Seigneur est plein de douceur pour ce qu'il veut, et c'est lui l'omniscient, le sage. Là, c'est le deuxième sens de l'autre. Ay inna hadhihi al-ashya allati hasalat. C'est-à-dire que c'est toutes ces choses qui se sont produites et réalisées. Lutfun latafahu Allahu la. Ce sont des causes cachées qu'Allah Azza wa Jalla a mis sur mon chemin sans que je m'en rende compte pour me faire atteindre ce niveau et cette bonne fin. Donc il a reconnu ce grand bienfait. Wa lutfu Allahi li 'abdihi wa lahu babun wasi'. Donc la douceur d'Allah Azza wa Jalla envers son serviteur ou bien les causes qu'il met sur son chemin pour l'amener à une bonne fin, c'est un chapitre très vaste. يتفضل الله بما شاء منه على من يشاء من عباده ممن يعلمه محلا لذلك وأهلا له والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Et cette douceur qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à ses serviteurs, ou bien ces causes qu'il met sur son chemin pour l'emmener à des hauts degrés sans qu'il s'en rende compte, sont yani, multiples. C'est un chapitre très vaste. Allah subhanahu wa ta'ala, de par ses grâces, il accorde cela à qui il veut parmi ses serviteurs, parmi ceux qu'il, de qui il voit yani, l'aptitude à recevoir ses grâces et ses faveurs. Et la grâce tout entière est dans la main d'Allah, il l'accorde à qui il veut. Et Allah est le détenteur de l'énorme grâce. وَمِنْ لُطْفِي بِعِبَادِ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهُ يَتَوَلَّاهُمْ بِلُطْفِي فَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمِنْ ظُلُمَاتِ الْجَهْرِ وَالْكُفْرِ وَالْبِدَعِ وَالْمَعَاصِ إِلَى نُورِ الْعِلْمِ وَالْإِيمَانِ وَالطَّاعَةِ. Parmi la douceur d'Allah subhanahu wa ta'ala envers ses serviteurs croyants, le fait qu'il les rapproche de lui, qu'il les aime, il leur accorde cette douceur en les faisant sortir des ténèbres vers la lumière, des ténèbres de l'ignorance, de la mécréance, des ténèbres de l'innovation et également des péchés. De toutes ces ténèbres-là, il les fait sortir vers où ? Vers la lumière de la science, de la foi, du iman et de l'obéissance. Tout cela fait partie des effets d'Allah, des effets du nom d'Allah al-Latif sur ses serviteurs. وَمِنْ لُطْفِهِ بِهِمْ أَنَّهُ يُقِيمُهُمْ طَاعَةَ أَنفُسِهِمْ الْأَمَّارَةَ بِالسُّوءِ الْأَمَّارَةِ بِالسُّوءِ الَّتِي هَذَا طَبْعُهَا فَيُوَفِّقُهُمْ لِنَهْيِ النَّفْسِ عَنِ الْهَوَى وَيُصْرِفُ عَنْهُمْ سُوءَ وَالْفَحْشَاءَ مَعَ تَوَافُرِ أَسْبَابِ الْفِتْنَةِ وَجَوَاذِبِ الْمَعَاصِي وَالشَّهَوَاتِ فيمن عليهم ببره ببرهان لطفه ونور إيمانهم إيمانهم الذي من عليهم به. فيدعونها مطمئنة لتركها نفوسهم ومنشرحة للعبد عنها للبعد عنها صدورهم. Il nous dit, Havidahullah Ta'ala, parmi la douceur d'Allah Azza wa Jalla envers ses serviteurs, qu'il leur permette de maîtriser leur âme qui est incitatrice au mal. Il y a de nombreuses causes qui se réunissent pour pousser le serviteur à désobéir à Allah Azza wa Jalla, à succomber à la tentation, au péché. Et les troubles et les tentations sont multiples. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa douceur envers ses serviteurs croyants, il les maintient dans son obéissance. Subhanallah. Et le serviteur lui-même, son âme, elle le pousse au mal. Elle est incitatrice au mal. Lui seul, si on l'abandonne, il va périr. Mais Allah azza wa jal, c'est al-latif. Et de par sa douceur, il te permet de te maintenir dans son obéissance. C'est lui qui te garde. C'est lui qui te protège de l'égarement. C'est lui qui te maintient. C'est lui qui te permet de contrer cette âme incitatrice au mal. Celle qui a pour nature de faire tomber le serviteur dans le mal. Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa douceur, te permet d'empêcher ton âme d'obéir à ses passions. D'empêcher ton âme d'interdire à ton âme d'obéir à ses passions. Il te permet de détourner cette âme du mal et de la turpitude. Alors que les causes du trouble et de la tentation sont multiples et te tirent vers le péché et les envies. Tout cela fait partie de la douceur d'Allah subhanahu wa ta'ala sur son serviteur pieux. Et sans Allah subhanahu wa ta'ala, personne n'a la capacité de combattre ses passions, de repousser son âme lorsqu'elle le pousse vers le mal, de t'obliger son âme à se soumettre à l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, de retenir son cœur de pencher vers le mal. de retenir ses mains de toucher le haram, de retenir ses jambes d'aller vers le haram, de retenir sa langue et ses parties de succomber au haram, de retenir sa langue de s'exprimer par le haram, et ainsi de suite. Tout cela, le cœur et les membres du serviteur ne pourront être au service de l'obéissance d'Allah que par la douceur d'Allah envers son serviteur, lorsqu'il leur permet de maintenir ces âmes-là sur la droiture et l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. On doit remarquer cette grâce d'Allah sur nous. Et on doit louer Allah azza wa jal pour ce grand bienfait sur nous. Parce que sans Allah tabaraka wa ta'ala, personne ne serait capable de repousser ses passions. Personne ne serait capable de se soumettre à Allah tabaraka wa ta'ala et de préférer l'obéissance d'Allah, l'amour d'Allah, à la désobéissance et aux passions. Parce que les causes sont multiples, subhanallah, particulièrement à cette époque avec tous les moyens de communication. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wa hasbunallahi wa ni'mal wakil. Donc Allah Azza wa Jalla accorde ses grâces et ses faveurs. Et ça fait partie des effets de sa douceur. Ainsi, cette âme qui a pour nature d'être incitatrice au mal, elle devient apaisée. Elle devient apaisée. Elle réussit à combattre ses passions, à rester sur l'obéissance d'Allah Azza wa Jalla, et ça lui procure un bien-être, une tranquillité, un apaisement. Et Shaytan, Shaytan, ya'uzzu an-nas azza, idha fatanahum, idha fatanahum. Shaytan incite ses serviteurs qui lui obéissent et il les excite pour qu'ils désobéissent Allah Azza wa Jalla. Et il leur fait croire et il les égare en leur faisant croire que tant qu'ils ne vont pas assouvir leur désir de transgression, ils ne goûteront pas la tranquillité de l'âme. Celui qui veut agresser une personne ou se venger d'une personne, et Shaytan va développer cette haine dans son cœur. Jour et nuit, il va penser à cette personne. Et tant qu'il n'aura pas agi, ne sera pas passé à l'acte, il ne sera pas satisfait de sa personne, de son âme. Son âme, elle ne sera jamais rassasiée. Parce qu'il pense qu'en transgressant, il va avoir la tranquillité du cœur. Il va avoir l'apaisement. Et il va dissiper son problème. Ça, c'est min maka'id shaytan. C'est partie des stratèges du shaytan. Si c'est dans les passions et les shahawat, tant qu'il n'aura pas commis le haram avec la telle ou telle femme, ou tel et tel site, ben il va lui faire croire qu'il n'aura, il ne pourra jamais assouvir ses besoins. Et il ne pourra jamais dépasser ce niveau et ce mal-être dans lequel il se trouve. Dans l'argent, il va lui faire croire que tant qu'il ne trichera pas, tant qu'il ne mentira pas, tant qu'il ne donnera, il versera pas de pot de vin et autres, tant qu'il ne travaillera pas dans le haram, dans le riba, dans, et ainsi de suite, ben, il n'obtiendra jamais la richesse et il ne rattrapera jamais telle et telle personne. Parce que telle et telle personne a réussi par ce moyen-là. Et vous pouvez dire ainsi dans tous les domaines. Ash-shaytan yarurul abd, il le trompe en réalité. Il le trompe. Et ça n'est que yom al-qiyamah qu'ils verront en ce jour qu'on appelle yom et tarabun, le jour de la grande perte. La grande perte. Subhanallah. Au lieu de faire le commerce avec Allah, l'entabur, un commerce, jamais il s'arrête, les fruits ne s'arrêtent jamais, tu es toujours gagnant. Il a choisi un commerce avec Shaytan. Ça, c'est taraboun, c'est la grande arnaque, c'est la grande perte. Le serviteur, yatawakkal ala Allah, il doit placer sa confiance en Allah. Il doit avoir confiance en la promesse d'Allah. Allah Azza wa Jal lui a promis, s'il délaisse le haram, de lui remplacer par meilleur. Et il lui a promis, s'il craint Allah, il est endurant, jamais il perdra chez Allah. Jamais il ne perdra chez Allah. Mais Dieu a une faiblesse dans la confiance qu'on a en Allah. Et le fait de compter sur Allah, ben le serviteur regarde ce qui est présent, ce qui est visible devant lui, et il repousse la promesse d'Allah Azza wa Jal, la marchandise d'Allah qui est le paradis, qui est un pardon vaste comme les cieux, ou un pardon et un paradis vaste comme les cieux. Al-Abd yatawakkal à Allah, il place sa confiance en Allah, il abandonne son affaire à Allah. Il dépasse ce niveau-là de servitude du shaitan. Il délie ses chaînes des passions. Et il verra qu'il atteindra un bonheur qu'il ne soupçonnait même pas dans ce bas monde. Alors qu'auparavant, il l'a recherché dans toutes sortes de choses. Halal, mubah, haram, il a tout testé. Mais son cœur, il ne se tranquillisera que lorsqu'il arrivera à bonne destination. Quand il remplira son cœur de l'amour d'Allah. Quand il se sentira proche d'Allah, al-unsu billah. Quand il évoquera Allah Azza wa Jal avec abondance. Quand il lira le Coran. Quand il suivra la sunna du prophète alayhi salat wa salam. Quand il trouvera la quiétude dans sa salat. Quand il ira dans les assises de science et de rappel. Et en faisant tout cela, il va joindre le délaissement du haram. Le fait de faire le bien seulement n'est pas suffisant. Il devra purifier son cœur aussi des défauts. Du ril, du rish, al-hasad, al-kibr, et ainsi de suite. Il devra purifier son cœur de, par exemple, la tricherie, la trahison, l'orgueil, l'envie, la jalousie, et tous les défauts, al-riya, et autres, hubbul madh, et autres. Lorsqu'il va faire cela, wallahi al-azim, il va atteindre un plaisir qu'il n'imaginait même pas dans ce bas monde-là. Il l'a recherché dans une créature alors qu'elle se retrouvait ou alors qu'elle ne se trouve qu'auprès du Créateur subhanahu wa ta'ala dans son évocation, son obéissance et sa connaissance. Et certains parmi les anciens disaient « Inna fi dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhuli » Il y a dans ce bas monde un paradis. Celui qui n'y entre pas n'entrera jamais dans le paradis de l'au-delà. Quel est ce paradis? C'est ma'rifatullah ou al-unsubi. C'est la connaissance d'Allah. Et le fait de se sentir proche de lui, le fait de le mentionner, de le louer, subhanahu wa ta'ala. Et d'autres parmi les anciens disaient, mon cœur passe par moments où se retrouve dans des états tels que je me dis, si les gens du paradis sont dans cet état-là, alors ils vivent une belle vie. Subhanallah. Alors qu'il n'y a rien dans le paradis qui ne soit semblable et comparable à ce bas monde, si ce n'est les noms. Pour qu'on sache de quoi nous parlons. On a dit les arbres, pour qu'on sache de quoi on parle. On a dit l'or, on a dit l'argent, on a dit. Donc la personne, elle doit cultiver ce jardin afin que pousse dans son cœur les meilleures des plantes et sorte les meilleurs des fruits. ومن لطفه بعباده أنه يقدر أرزاقهم بحسب علمه بمصلحتهم لا بحسب مراداتهم فقد يريدون شيئا وغيره أصلح فيقدر لهم الأصلح وإن كرهوه لطفا بهم الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز إلى L'auteur, hafidhahullah ta'ala, nous donne une science qui doit nous tranquilliser et augmenter notre iman au qadar. Et augmenter notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est dû à ces imperfections-là. Les difficultés qu'on trouve dans nos cœurs et le manque d'apaisement qu'on trouve dans nos cœurs. Il nous dit, وفقه الله, parmi la douceur d'Allah subhanahu wa ta'ala envers ses serviteurs, le fait qu'il décrète leur subsistance en fonction de ce qu'il connaît lui et ce qui est bon pour eux. Non en fonction de ce qu'ils veulent eux. Mafhoum? Allah subhanahu wa ta'ala décrète pour ses serviteurs la part de leur subsistance et ce qu'il va leur donner selon la connaissance parfaite qu'il a de ce qui est bon pour chacun d'entre eux. Et non pas en fonction de la volonté de chacun d'entre eux. Allah ne te donne pas ce que tu veux toi particulièrement. Il te donne ce qu'il a su qui était bon pour toi particulièrement. Parce que tu peux toi vouloir une chose, mais Allah veut le meilleur encore pour toi. Alors de par sa douceur, il ne te donne pas ce que tu veux toi, mais il te donne ce qu'il veut lui parce que c'est meilleur pour toi. Même si tu détestes cette chose qu'on va te donner, Allah Azza wa Jalla te la donne de par la science subtile qu'il a, que cette chose-là, c'est celle qui va t'amener à la réussite. C'est celle qui va t'apporter du bien. Et celle qui au final, ou celle pour laquelle au final, tu loueras Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est une chose qui est grande, qui est magnifique à connaître. C'est qu'Allah te donne ce qui est bon pour toi. Pas ce que tu veux toi. Des fois, tu demandes, et Allah Azza wa Jal te donne. Mais il te donne mieux que ce que tu as demandé. Mais toi, tu ne le vois pas. Allah Azza wa Jal, lui, il est bikulli shay'in alim. Il est latif, il est khabir. Donc quand Allah te donne, alors que tu as demandé, peut-être qu'Allah a voulu pour toi meilleur que ça. Peut-être qu'Allah a voulu pour toi un niveau au-dessus de celui-là. Et toi, tu dis, mais pourquoi j'ai pas ça, mais j'ai fait dua, mais pourquoi moi? Et moi, j'aurais dû avoir ça. Et pourquoi lui, il a, et moi, j'ai pas? Et ce genre de paroles. Et ce genre de paroles qui sont en réalité des faiblesses dans l'iman bil qada'i wal qadar. Cette connaissance-là va te pousser à la reconnaissance, va te pousser à louer Allah dans tous tes états et à retenir ton cœur et ta langue de toute plainte à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que dans Sourate Ash-Shura, nous trouvons Allahu latifun bi'ibadi yarzuqu man yasha wa huwa al-qawi al-aziz. Allah est doux envers ses serviteurs. Il attribue à qui il veut et c'est lui le fort, le puissant. Wa min lutfihi bihim annahu yuqaddiru 'alayhim anwa'an min al-masa'ib wa duruban min al-balaya wal-mihan sawqan lahum ila kamalihim wa kamali na'imihim. Allahu akbar. Il nous dit, hafidhahullahu ta'ala, et de par sa douceur envers eux, la douceur d'Allah envers ses serviteurs, le fait qu'il décrète sur eux toutes sortes de malheurs, toutes sortes de tout type de difficultés, de tests et d'épreuves, et on les tire vers ces serviteurs-là. Subhanallah. Telle maladie, telle pauvreté, telle peine, telle affliction, telle tristesse, tel enfant malade, telle parole nuisible, et j'en passe. Il nous dit, mais en réalité, Allah subhanahu wa ta'ala, avec tout cela, les élève vers leur perfection. Il les élève vers leur perfection. Tout ce qui les touche, c'est pour les éduquer, les purifier et les élever. Allah, il est latif. Il met sur ton chemin des causes. Tu ignores que ce sont des causes de bien. Mais Allah, de par la perfection de sa science, lui, il le sait. Et de par la perfection de sa douceur envers toi et sa bienfaisance, il te met ces choses-là, alors toi, tu ne les veux pas. Mais Allah veut pour toi meilleur que ce que tu veux pour toi-même. Subhanahu wa ta'ala, al-latif, al-khabir. Donc Allah Azza wa Jalla, avec ça, il te dirige vers ta perfection. Il t'élève vers ta perfection. Et il te donne et te prépare le meilleur de ses bienfaits. Dans ce chemin-là, rappelle-toi, la maladie, la tristesse, les problèmes, la pauvreté, ainsi de suite, qu'Allah Azzawajal te prépare, il t'amène à t'élever, à te purifier. Dans ces difficultés-là, ton cœur il se détache des causes. Dans ces difficultés-là, tu reviens vers Allah. Tu es plus sérieux dans tes adorations. Si Allah voulut ton bien par ces épreuves-là. Par contre, on distinguera si c'est une punition qu'on va s'éloigner du din, on va s'éloigner de la salat, on va s'éloigner du dhikrullah, s'éloigner de la crainte d'Allah. Ça, c'est un signe de punition. Par contre, si ça nous rapproche d'Allah, si ça fait en sorte qu'on fait attention et que ça nous pousse au repentir parce qu'on se dit non, là c'est trop. J'ai telle chose, telle épreuve, telle épreuve, telle épreuve. Faut que je revienne vers Allah parce que chaque épreuve, elle est due à un péché. Alors je reviens vers Allah. Je fouille en moi dans mon cœur, je purifie ce cœur. Je fouille en moi sur mes mains, sur mon travail, je purifie mes mains. Du haram. Je fouille sur ma langue, je purifie ma langue. Mes pieds, je purifie. Et ainsi de suite. On ne doit pas avoir une bonne opinion de nous-mêmes, mais une bonne opinion d'Allah que si on revient à lui repentant, il va nous accepter. Quant au fait de se faire des éloges et de dire « Moi, tout ce qui m'arrive, c'est parce que je suis pieux. » Allahu Akbar. Ça, c'est un makre. Wal'iyadu billah. Donc, ces épreuves-là, elles viennent pour t'accompagner vers une élévation qu'Allah a voulu pour toi et des grands bienfaits. ومن لطفه بعبده أن يقدر له أن يتربى في ولاية أهل الصلاح والعلم والإيمان بين أهل الخير يكتسب من أدبهم وتأديبهم وأن ينشأ كذلك بين أبويه الصالحين بين أبوين صالحين وأقارب أتقياء في مجتمع صالح فهذا من أعظم اللطف بالعبد فإن صلاح العبد موقوف على أسباب كثيرة من أعظمها نفعا هذه الحالة. Il nous dit, Hafidhahullah Ta'ala, parmi la douceur d'Allah Azza wa Jalla envers son serviteur, le fait qu'il décrète pour lui qu'il soit éduqué dans une sphère de gens pieux, de gens de science et de foi. Allah Azza wa Jalla va le mettre dans un endroit. Il va grandir dans un endroit, il va être éduqué dans un endroit où il y a la piété, où il y a la science et où il y a la foi. Au milieu des gens de bien, afin qu'il tire profit et qu'il s'imprègne de quoi ? De leur éducation, de leur qualité et de leur correction. Les gens de bien, en eux, ils sont bien. Donc tu vas les prendre pour exemple, tu le seras. Et les gens de bien, lorsqu'ils vont te voir dans la faute, ils vont t'éduquer, ils vont te corriger, ils ne vont pas te laisser t'égarer. Donc tu seras doublement gagnant. En les regardant, ça va t'éduquer. Tu vas les prendre pour exemple. Et eux, lorsqu'ils vont voir sur toi une défaillance, ils vont te corriger. Ils vont te tirer vers le bien. Et parmi nos grandes fautes et nos grandes faiblesses, le fait de ne pas faire l'amru bil ma'ruf wa nahu anil munkar. Le fait de ne pas appeler les gens bien et de ne pas blâmer les gens pour le mal. Le fait de se taire et de dire « je m'occupe de moi et je ne dirai plus rien » et ce genre. Ça, c'est une faiblesse qu'on a. Ça, c'est un axe. Ça, c'est un axe. Celui qu'Allah guide au bien, qui a su quel était le bien, quel était le chemin du bien et du mal, qui a emprunté le chemin du bien, il ne doit pas restreindre cela à sa personne. « Wa tawassaw bil haqqi, wa tawassaw bil sabr » Mais il doit par la suite aller rejoindre la vérité. Et endurer, parce qu'ils ne vont pas tous accepter. Et le chemin n'est pas, yani, on n'a pas semé de roses le chemin de la da'wah. Mais il te faudra endurer, il te faudra supporter. Allah nous dit dans le Coran, « Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila salih, wa qala innani minal muslim, wa la tastawil hasanat wa la sayyi'a, idfa' billati ya ahsan. » فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Allah dans le Coran nous dit, sur la traduction des sens de ce verset, et qui profère de meilleures paroles que celui qui appelle les gens à Allah? fait de bonnes œuvres et dit « je suis du nombre des musulmans ». Et la bonne action n'est pas semblable à la mauvaise. Repousse le mal parce qu'il y a de meilleurs. Et tu verras que celui avec qui il y avait de l'inimitié, de la haine, en repoussant le mal par le bien, deviendra un ami chaleureux. Mais qui pourra atteindre ce niveau-là ? Illa alladhina sabar. Que ceux qui sont endurants. Que ceux à qui on a donné une énorme part. Ça n'est pas chose facile. Mais celui qui fait des efforts vers Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal le guidera vers les sentiers. Et c'est ainsi, lorsqu'Allah Azza wa Jal, de par sa douceur, fait grandir l'enfant au milieu de deux parents pieux, proches ou bien avec des proches qui sont pieux, dans un environnement et une communauté pieuse, ceci fait partie de la plus grande douceur d'Allah envers ses serviteurs. Le fait qu'il grandisse avec ses parents pieux, le fait qu'il grandisse dans un endroit où des oncles, des tantes pieuses, et ainsi de suite. Il nous dit, ceci fait partie de la plus grande douceur envers le serviteur. Puis il nous dit une belle phrase à retenir. فَإِنَّ صَلَاحَ الْعَبْدِ مَوْقُوفٌ عَلَى أَسْبَابٍ كَثِيرًا مِنْ أَعْظَمِهَا نَفْعًا هَذِي الْحَالَ. Car en effet, la piété du serviteur est rattachée à de nombreuses causes. Et la plus grande, la plus utile est cette situation-là. Qu'il grandisse dans un endroit où il y a la piété. Auprès de parents, pieux. Auprès de proches, pieux. Et dans un environnement où il y a la piété. ومن لطف الله بعبده أن يجعل رزقه حلالا في راحة وقناعة يحصل به المقصود. ولا يشغله عما خلق له من العبادة والعلم والعمل به بل يعينه على ذلك. Il nous dit parmi la douceur d'Allah subhanahu wa ta'ala envers son serviteur, le fait que la science qu'il lui accorde, la subsistance qu'il lui accorde, l'argent qu'il lui accorde, soit halal. Soit halal. Et que la part qui lui soit attribuée lui procure suffisance et apaisement et tranquillité. C'est-à-dire Allah lui donne sa subsistance, elle est halal, et la part qu'il a, il voit qu'il est comblé par Allah. Il voit qu'il est privilégié chez Allah subhanahu wa ta'ala. Il a la suffisance. Il voit que ce qu'Allah lui donne, ça lui est suffisant pour atteindre son but. Et que c'est une subsistance qui ne va pas le détourner de la sagesse pour laquelle Allah l'a créé. Ce point-là a la plus haute importance. Parce que parmi nous, beaucoup disent, si Allah me donne, je ferai. Si Allah me donne, je ferai. Quand Allah leur donne, ça empiète sur leur obéissance, ça empiète sur leur salat, ça empiète sur leur dhikr, ça empiète sur les bonnes actions qu'ils connaissaient auparavant. Wala hawla wala quwwata illa billah. Jusqu'à ce que certaines personnes ne prient plus à l'heure et en rentrant le soir rattrapent deux voire trois salawat. Subhanallah. N'y a-t-il pas de juste milieu entre le fait de rester au masjid du Asr ou Isha et le fait de travailler tout en préservant ses salawat? On ne dit pas à la personne de ne pas travailler, de ne pas nourrir sa famille, de ne pas s'acquitter de ses devoirs, de ne pas assouvir ses besoins et ainsi de suite. Mais elle n'oublie pas que la sagesse pour laquelle Allah l'a créée, ce n'est pas la dunya. La dunya, c'est un couloir, un lieu de passage. Il est en train de construire et d'épuiser toutes ses forces et sa santé dans un lieu de passage. Lui, il va quitter ce lieu de passage, cette terre où il a semé, et il va récolter dans l'au-delà cette terre qui sera, cet endroit qui sera éternel. Comment est-ce qu'il peut construire sur un lieu de passage et ne pas préparer ses provisions pour le lieu éternel? Ça, c'est une grande perte. C'est une grande perte. والتوفيق بيد الله. Donc cette subsistance ne va pas le distraire de ce pourquoi Allah l'a créé. L'adoration d'Allah, la science, la mise en pratique de la science. Au contraire, cette subsistance halal va l'aider à adorer Allah, va l'aider à apprendre, va l'aider à appliquer. ومن لطف الله بعبده أن يقيض له إخوانا صالحين ورفقاء متقين يعينونه على الخير ويشدون من أزره في سلوك سبيل الاستقامة والبعد عن سبيل الهلاك والانحراف. Ça, c'est un point en or. Allahu Akbar. Et ô combien sont-ils dans ce chapitre? Parmi la douceur d'Allah envers son serviteur, le fait qu'il lui assigne ou lui accorde des frères en Allah pieux et des fréquentations nobles et pieuses qui l'aideront dans le bien, qui le pousseront vers le bien et qui renforceront son avancée dans le chemin de la droiture. Ça, c'est une des plus grandes douceurs d'Allah Azzawajal envers toi. S'il t'a facilité des bonnes fréquentations, s'il t'a doté de frères en islam qui sont là pour toi, pour te dire, délaisse cela, c'est mal, ça t'amène le mal, dans ta dunya, dans ton au-delà. Fais cela, c'est bien, ça t'amène le bien, dans ce bas monde et l'au-delà. De rester avec les gens pieux, c'est une noblesse. Et de tirer profit de leurs conseils, c'est encore plus grand comme sagesse. Celui à qui Allah Azza wa Jal facilite un frère pieux ou une sœur pieuse, faqad latafa bih, il aura certes été doux envers lui et il lui aura facilité le chemin de la droiture. Il lui aura facilité le chemin de la droiture et il aura éloigné de lui les chemins de la perdition et de l'égarement. Il nous dit également, وَمِنْ لُطْفِ اللَّهِ بِعَبْدِهِ أَنْ يَبْتَلِيَهُ بِبَعْضِ الْمَصَائِبِ فَيُوَفِّقَهُ لِلْقِيَامِ بِوَظِيفَةِ الصَّبْرِ فِيهَا فَيُنِيلُهُ رَفِيعَ الدَّرَجَاتِ وَعَالِيَ الرُّتَبِ وَأَنْ يُكْرِمَهُ بِأَنْ يُوجَدَ فِي قَلْبِهِ حلاوة وروح الرجاء وتأميل الرحمة وانتظار الفرج وكشف الضر فيخفف ألمه وتنشط نفسه. Parmi la douceur d'Allah envers ses serviteurs, le fait qu'il l'éprouve avec certaines épreuves et il lui facilite alors le fait de se lever avec cette grande mission, cette grande servitude, cette grande adoration qui est l'endurance. Allah met sur son chemin des épreuves, mais il le dote et il le comble d'une endurance qui va lui permettre, en endurant dans ces épreuves, d'être élevé dans les hauts degrés, d'être élevé dans les hauts degré. Il l'honorera également en faisant en sorte qu'il trouve dans son cœur un délice, l'âme de l'espoir, l'espérance de la miséricorde d'Allah, de sa pitié, et l'attente de sa délivrance, et le fait qu'il ôte de lui cette difficulté. Avec cet état du cœur, sans aucun doute, ça diminuera sa douleur et son âme retrouvera en vigueur. Elle retrouvera de la vigueur. قال ابن القيم رحمه الله فإن انتظاره ومطالعته وترقيبه أو وترقبه يخفف حمل المشقة ولا سيما عند قوة الرجاء أو قطع أو القطع بالفرج فإنه Donc Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit, le fait de l'attendre, comme presque l'apercevoir, et la personne qui compte sur Allah, qui attend l'aide d'Allah, son secours, qui compte sur lui, il nous dit, Ibn Qayyim nous dit, ça va diminuer sa douleur et sa difficulté. Particulièrement si il a un fort espoir en Allah quant à la délivrance qu'il lui accordera et qu'il n'a aucun doute sur le secours qu'Allah lui apportera et la délivrance. فإنه يجد في حشو البلاء من روح الفرج ونسيمه وراحته ما هو من خفي الألطاف وما هو فرج معجل وبه وبغير يفهم معنى اسمه اللطيف أو يفهم. Donc il nous dit, رحمه الله تعالى, qu'en trouvant toutes ces difficultés, il aura l'espoir qu'il y a la délivrance et ça l'apaisera. Et ces choses cachées et cette délivrance rapide qu'Allah Azza wa Jalla lui accordera, lui apportera et en quelle, dont il n'a aucun doute, avec tout cela, il comprendra alors ce que signifie le nom d'Allah, Al-Latif. Et l'auteur conclut en disant « وَكَمْ وَنَافِعٌ لِلْعَبْدِ أَنْ يَعْرِفَ مَعْنَى هَذَا الْإِسْمِ مَعْنَى هَذَا الْإِسْمِ الْعَظِيمِ وَدَلَالَتِهِ وَأَنْ يُجَاهِدَ نَفْسَهُ عَلَى تَحْقِيقِ الْإِيمَانِ بِهِ وَالْقِيَامِ بِمَا يَقْتَضِيهِ مِنْ عُبُودِيَّةِ اللَّهِ مِنْ عُبُودِيَّةٍ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَيَمْتَلِئَ قَلْبَهُ رَجَاءً وَطَمَعًا فِي نَيْلِ فَضْلِ اللَّهِ وَالظَّفَرِ بِنِعَمِهِ وَعَطَايَاهُ متحريا في كل أحوال الفوز بالعواقب الحميدة والمآلات الرشيدة واثقا بربه اللطيف ومولاه الكريم ذي النعم السوابغ والعطاء النوال ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقى الشر يوقى والفضل بيد الله وحده يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Profitable au serviteur ou combien est profitable au serviteur de connaître le sens de ce nom immense et ce qui en découle et de faire des efforts afin de concrétiser la foi en ce nom et agir en fonction de ce qui découle de la connaissance de ce nom et de ses effets comme servitude pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi le cœur se remplira d'espoir en Allah et il souhaitera obtenir ses grâces et mettre la main sur ses bienfaits et ses dons en espérant dans chaque situation, dans chacune de ces situations, la réussite dans la bonne finalité. Ce qu'on a vu que le nom d'Allah est Latif, le deuxième sens, c'est qu'il met sur ton chemin des causes pour t'apporter au final une bonne finalité. Alors que toi, tu ne t'en rends pas compte, mais Allah t'élève. Donc, tu, après avoir eu connaissance de ce nom, dans toutes tes situations, tu espéreras avoir la bonne finalité et la droiture, en plaçant pleinement ta confiance en ton Seigneur qui est Latif. Celui qui déverse sur ses serviteurs ses bienfaits, le grand donateur. Et certes, celui qui s'efforce d'atteindre le bien, on lui accorde. Et celui qui s'efforce de se préserver du mal, en sera préservé. Et la grâce tout entière est dans la main d'Allah. Uniquement, il l'accorde à qui il veut. Et Allah est certes le détenteur de l'énorme grâce. Wallahu a'lam wa sallallahu wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار